franceinter.com. Qui était le choix du lieu d'abord, les confins de l'aérodrome de Vienne, à l'écart des caméras et des appareils photo. Vienne, la ville mythique de l'espionnage Est-Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Puis, ce fut l'atterrissage presque simultané de deux avions, l'un venant de Russie, l'autre des États-Unis. Et enfin, le transfèrement des passagers à bord de petits autocars qui se croisent au milieu du tarmac. De part et d'autre, on se regarde, peut-être, avant d'embarquer à nouveau. Et bientôt, c'est l'envol des avions qui repartent l'un pour l'Est, l'autre vers l'Ouest. Une scène emblématique de la guerre froide quand les deux empires échangeaient leurs espions respectifs. Sauf que ce troc a eu lieu plus de 20 ans après la chute du mur, le 9 juillet 2010 exactement. Une curieuse affaire et qui dissimule encore bien des mystères, car dans un premier temps, il apparaît que les deux plateaux de la balance n'étaient pas chargés de façon égale. D'un côté, il y avait 10 Russes présentés comme des espions d'opérette, à peu près inoffensif pour la sécurité des États-Unis. Mais, dans l'autre, il y avait du lourd. 4 taupes, dont 2 ex-colonels des services russes qui travaillaient pour la CIA. Des hommes convaincus de trahison qui, au temps de l'URSS, après un procès expéditif, auraient dû être exécutés dans quelques bas-fonds de l'immeuble du KGB, la Loubianka. Quel mystère cachait donc cet échange? Et pourquoi? À cette occasion, les spécialistes les mieux informés ont-ils exhumé des affaires considérables et plus anciennes, comme par exemple la découverte en 1994 et en 2001 de 2 taupes américaines tapies au cœur même des services de renseignement états-uniens. Et comment ne pas s'étonner qu'en cette même année 2010, 4 éminents personnages russes ayant exercé de hautes responsabilités dans le renseignement et trouver la mort dans des circonstances suspectes. Enfin, est-ce que la sourde rivalité qui oppose le président Medvedev à son premier ministre Poutine a joué un rôle dans cette affaire? Monsieur X tente une explication tout de suite après ses notes de musique. Think about the girl you love and hope your nights of happy together. If I should call you up in Mr. Dan and you say you belong to me and use my mind, imagine how the world would be so very fine, so happy together. The only one for me is you, and you for me, so happy. me. No matter what the toss and I think has to be, the only one for it is you, and you for me. So happy together. Le 24 juin 2010, le président de la Fédération russe, Dmitri Medvedev, est reçu en grande pompe à la Maison-Blanche par Barack Obama. Le climat est confiant, amical même, puisque l'Américain entraîne son homologue dans son restaurant préféré de hamburger. Quant au contenu de leurs entretiens, il est particulièrement important puisque au menu figure l'avenir du traité START. Et ça, c'est le traité sur le désarmement nucléaire. Hein. Les deux présidents l'ont déjà signé. Mais leurs parlements doivent l'approuver. Or, le Sénat états-unien renâcle. Trois jours après cette rencontre, coup de tonnerre. On annonce que le FBI vient d'arrêter 10 individus soupçonnés d'être des espions russes. Et le rapprochement de ces deux dates vous paraît curieux? Bah oui, parce qu'on aurait voulu saboter le rapprochement entre les deux pays quand il ne serait pas pris autrement. En réalité, il faut nuancer. Certes, les milieux conservateurs américains, très hostiles à la signature du traité START, ont pu pousser à la roue et faire en sorte de précipiter l'annonce de ces arrestations. Mais je suis aussi persuadé que Medvedev n'a pas été pris au dépourvu. Quoi, il aurait été préalablement averti par Obama? C'est assez probable, car le président américain voulait préserver de bonnes relations avec son homologue russe. Par courtoisie, il aurait donc pu l'avertir de l'imminence de ce qui allait se passer. Ben, s'il était lui-même au courant. Vous avez raison. Alors, voyons la suite. Le 27 juin, donc, le FBI annonce avoir interpellé 10 Russes vivant aux États-Unis. 10 individus qui, selon la police fédérale, seraient des agents illégaux étrangers. Mais on ne dit pas explicitement espions. Et ça veut dire que les Américains n'entendent pas donner une trop grande importance à cette affaire. On peut en tout cas le penser. Ouais, mais... agent illégal, hein, ça a une signification très précise pour les Russes, hein, ou plutôt, devrais-je dire, pour les Soviétiques du temps du KGB. Tout à fait exact. Mm-hmm. Alors, rappelez-moi. Les illégaux sont des agents envoyés dans un pays hostile, ou susceptibles de le devenir, avec pour première mission de s'implanter sans attirer l'attention. Mm. Ils sont munis d'une légende, hein, comme on dit dans les services de renseignement. C'est ça, une fausse identité, une fausse biographie, etc. Ce sont des agents dormants. C'est-à-dire qu'ils peuvent être parfaitement inactifs pendant de longues années. Et ils gardent quand même un lien avec leur centrale. Oui, mais de loin en loin, et à des dates fixées à l'avance. Alors, à quoi peuvent-ils servir? Leur implantation n'est bien sûr pas innocente. Ils se fixent dans des milieux ou des endroits qui peuvent devenir stratégiques. Et là, bah, ils font leur nid, progressent dans la hiérarchie de leur entreprise ou multiplient les contacts amicaux. Oui, j'imagine que s'ils découvrent des informations intéressantes pour leur service, bah, ils les transmettent à leur officier traitant. Mais ce n'est pas obligatoire. Un illégal n'est activé que si une raison impérieuse l'impose. Par exemple, une tension subite entre l'état d'accueil et celui qui les a envoyés. Ou alors, quand leur implantation est tellement bien réussie qu'ils ont soudain accès à des renseignements de première importance. Mais certains de ces agents dormants peuvent ne jamais être activés. Et d'abord parce qu'on peut se demander à quoi ils auraient bien pu servir. Et puis, disons-le tout de suite, ça me semble être le cas de quelques-uns de ces illégaux russes récemment arrêtés. Alors on peut donc aussi penser qu'il existe peut-être des illégaux recrutés du temps du KGB qui n'ont jamais été découverts. Et qui ne le seront jamais. C'est certainement le cas en Allemagne, où les services est-allemands avaient truffé d'agents dormants les administrations de l'Ouest. Mais, si vous le voulez bien, refermons cette parenthèse et voyons plus précisément qui sont ces illégaux arrêtés l'an dernier aux États-Unis. Pour commencer, il y a ce célibataire, Mikhail Semenko. Son vrai nom? Apparemment. La trentaine, il travaillait depuis 2009 à Arlington pour une agence de voyage américaine proposant des séjours en Russie. Un pis-aller pour ce jeune homme qui se disait expert en politique économique chinoise et rêvait de s'occuper de relations internationales. Un domaine où un agent russe aurait pu jouer un rôle, alors. Ah, probablement, mais dans son boulot, dans le tourisme, je ne vois pas très bien. Autre nom sur la liste, le couple Donald Esil Tracy Foley. de leur vrai nom Andrei Bezoukhov et Elena Vavilova. À noter que la plupart de ces illégaux vivaient en couple. Et ce n'est pas un hasard. C'est même recommandé. Hein. Ah, tout à fait. Ouais. Un couple attire moins l'attention. Donc, les Bezoukhov-Vavilova, ils se prétendaient canadiens. Il était arrivé aux États-Unis en 1999. Lui, après un master à Harvard, était consultant en management. Et elle, travaillait dans une agence immobilière. Deux enfants de 16 et 20 ans, le couple était très apprécié de leur entourage. Et leurs éventuelles activités clandestines alors? On n'en sait pas grand-chose. Hein. Bezroukhov aurait tenté de pénétrer des organismes de veille géopolitique privés en proposant des logiciels où était dissimulé un cheval de Troie. Ça, c'est un virus qui permet d'avoir accès à distance à l'ordinateur infecté. Ouais, on a dit aussi qu'ils communiquaient avec Moscou par le biais d'émissions radio. Dernier détail, ils auraient été sous surveillance depuis 2001. Alors, pendant 10 ans ou presque, on les aurait laissés agir. Ils ne devaient pas être très dangereux. Autre couple, Richard et Cynthia Murphy, autrement dit Vladimir et Lydia Kouriev. Ils ont souvent changé d'activité. Elle est agent financier dans une banque de New York et gagne la vie du ménage qui comprend 2 enfants. Comme elle parle l'anglais avec un léger accent, elle prétend être d'origine scandinave. Et eux, depuis quand se trouvaient-ils aux États-Unis? Depuis les années 90. Et eux aussi auraient été surveillés depuis 2001. Alors, comme le couple précédent. Mmh. Ça renforce l'idée que l'on aurait pu avoir voulu embarrasser Obama. Hein, car si on les avait à l'œil depuis si longtemps, pourquoi les arrêter justement à quelques jours de la visite de Medvedev? C'est vrai, c'est troublant. Alors, je reviens au prétendu Murphy. Leur officier traitant était la 3e secrétaire de la représentation de Russie auprès de l'ONU. Mais même opacité quant à leurs activités. Encore un couple. Vicky Pelaez, une péruvienne, éditorialiste dans un journal de gauche à destination de l'Amérique latine. Son compagnon, Juan Lazaro, s'appelle en réalité Mikhail Vasenkov. Et c'est sans doute l'un des seuls vrais espions de la bande. D'ailleurs, il l'avouera assez facilement. Un vrai espion, c'est-à-dire... Vasenkov aurait travaillé incognito durant 40 ans pour le KGB, puis le SVR qui lui a succédé. D'abord en Amérique latine, puis aux États-Unis. C'était un photographe réputé, un intellectuel, ami de hauts fonctionnaires démocrates. Alors lui, il était donc en mesure de récolter des informations importantes. Hein. Plus que les autres, oui. Mmh. Dernier couple, celui formé par Mikhail Zottoli, Mikhail Koutsnik, agent comptable et Patricia Mills, qui se disait canadienne mais s'appelait en réalité Natalia Pereverzera. Tous deux, la quarantaine. Ils s'étaient d'abord installés à Seattle, puis en 2009 avaient gagné Arlington en Virginie. Le FBI s'était intéressé au couple en 2004 lorsqu'il est entré en contact avec Richard Murphy lui-même, surveillé depuis 2001. Enfin, il me faut vous parler de la plus flamboyante de cette fournée d'illégaux. Celle qui va devenir une star en Russie après son retour. Hein. Oui, Anna Chapman, autrement dit Anna Kouchenko, 29 ans. L'agent 90, 60, 90, comme vont l'appeler les tabloïds américains. Et à cause de ses mensurations harmonieuses. Bien évidemment. Mmh. Pour le New York Post, c'est par exemple une rousse incendiaire au physique de James Bond Girl. Pour d'autres, c'est plus ni moins que la Matahari russe. Et plus sérieusement alors, que faisait-elle? Selon son ex-époux, elle était la fille d'un cadre des services russes. Alors, tel père, telle fille. À l'Ouest, elle a d'abord vécu en Grande-Bretagne, dont elle a acquis la nationalité grâce à son mariage. Puis après son divorce, elle est partie aux États-Unis, où elle s'est occupée essentiellement d'affaires immobilières. Donc là encore, il n'y avait pas la matière à espionnage. Et pourtant, d'après le procureur chargé de l'affaire, elle était une agent hautement entraînée qui transmettait des informations tous les mercredis depuis janvier 2010 à ses contacts en Russie. Là, j'ai des doutes. Mais pourquoi alors? Parce que cette espionne de haut vol s'est laissée démasquer de la façon la plus sotte qui soit. Et comment? Par un policier du FBI qui s'est fait passer pour un agent russe du SVR et lui a fourni un faux passeport. Une bévue digne d'une amatrice. Alors, pensez-vous que Chapman, et peut-être aussi certains des autres personnages que vous avez cités, n'étaient pas des espions sérieux? Écoutez, je vais vous faire une réponse de Normand. Le fait de transmettre des renseignements à une puissance étrangère ne fait pas forcément de vous un espion. Expliquez-moi alors. Il existe aussi des espions qui n'espionnent rien du tout, mais qui, pour continuer à être rétribués, envoient des informations qu'ils ont purement et simplement inventées. Nombreux sont les exemples dans l'histoire de l'espionnage. Alors, qui est vraiment Anne Chapman, ou plutôt Anna Kouchenko? Quelques éléments de réponse dans cet article d'août 2010 de Valeurs Actuelles. Née en 1980, fille d'un officier du SVR, le service de renseignements extérieurs, elle obtient en 2003 un diplôme d'économie, puis quitte l'université de l'amitié des peuples de Moscou, l'un des traditionnels viviers de recrutement des services russes, pour entrer à la Barclays Bank à Londres. Elle épouse un jeune Britannique, Alex Chapman, et obtient sa naturalisation. L'idylle tourne court. L'ex-époux a raconté dans les tabloïds, photos privées à l'appui, qu'il avait été séduit par les prouesses sexuelles d'Anna, mais qu'il ne supportait plus ses soirées avec les Golden Boys de la finance européenne. Le service de contre-espionnage britannique suppose qu'elle était déjà en activité. Elle aurait tenté d'infiltrer l'entourage des princes William et Harry. En 2006, elle s'installe à New York et se lance dans l'immobilier. Femme d'affaires ambitieuse mais espionne désinvolte, elle doit parfois être rappelée à l'ordre par ses chefs, comme en témoigne ce message découvert par la CIA sur son ordinateur. L'éducation que vous avez reçue, vos voitures, vos maisons et vos comptes bancaires ne doivent servir qu'au développement de contacts dans les milieux décideurs et l'envoi de rapports au centre. Une information qui va plutôt dans le sens de la dernière assertion de M. X. Encore un mot sur cet agent 90-60-90. Vous avez sans doute entendu parler de ce qu'elle est devenue ensuite, dès son retour à Moscou. Une vedette des médias. Hein. Oui, ouais. Alors que la première réaction de la presse russe a surtout consisté à déplorer l'arrestation de ces espions amateurs. Ouais, et donc de mettre en cause le sérieux des services secrets. Une mise en cause pas tout à fait innocente dans la compétition qui oppose désormais Medvedev et Poutine. Enfin, ça, j'y reviendrai. Donc, face à une presse sceptique, le pouvoir a très habilement retourné la situation et fait de l'explosive Anna une sorte d'héroïne de l'espionnage, une James Bond au féminin. On l'a vu sur tous les plateaux de télévision et à la une de nombreux magazines où elle a posé très dévêtue. Des photos porno? Disons porno chic. Ah oui, d'accord. Et le but alors? Réveiller le patriotisme russe, si ce n'est autre chose. Mais la belle, qui est loin d'être bête, a aussitôt exploité sa nouvelle notoriété et s'est lancée dans une nouvelle carrière. Elle est devenue le porte-parole de la Fund Service Bank, spécialisée dans le conseil financier aux groupes aéronautiques et spatiaux russes. La banque en question jouant sur le fait que ses initiales sont les mêmes que celles du FSB, le service de renseignement intérieur. Ouais, l'autre héritier du KGB. Ouais. Bon, alors revenons un petit peu en arrière et voyons comment les 10 espions vrais ou faux ont été libérés. Le 8 juillet, une petite dizaine de jours seulement après leur arrestation, ils comparaissent devant un juge américain. Et là, surprise, ils plaident coupables. Et ils sont inculpés d'avoir comploté comme agent secret aux États-Unis et de blanchiment d'argent aussi. Mais pas d'espionnage? Non, car le juge estime qu'ils n'ont pas eu accès à des informations classées secret d'État. Il y a eu une négociation préalable. C'est évident. Ouais. Mais à quel niveau Le plus haut, c'est-à-dire à la Maison-Blanche et à la tête des services de renseignement. D'ailleurs, un porte-parole du département d'État vendra une partie de la mèche en déclarant à peu près ceci. Il a été décidé qu'une résolution rapide et globale de l'affaire devait être trouvée pour des raisons humanitaires et de sécurité nationale. Enfin bref, l'emprisonnement aux États-Unis de ces 10 agents illégaux n'aurait pas eu d'intérêt pour la sécurité nationale. Mais pourquoi cette mansuétude alors? Parce que les Américains avaient déjà en vue l'échange qu'ils avaient envisagé avec les Russes. C'était pour eux plus important que cette affaire relativement mineure. Mais avant de vous dire qui se trouvait dans l'autre plateau de la balance, je dois ajouter que les 10 étaient 11, et peut-être même 12. Ce qui veut dire. Hein. L'11e homme était sans doute le plus important. C'est lui, en effet, qui les rétribuait. Mais il a été arrêté, celui-là? Oui, mais très peu de temps, et hors des États-Unis. Ce personnage, Christopher Robert Metzos, pourvu d'un passeport canadien, a quitté les États-Unis à la mi-juin. Et peu avant l'arrestation des autres, non? Voilà, et il a été arrêté à Chypre. Mais il a été relâché sous caution et il en a profité pour s'évanouir dans la nature. Alors c'était donc l'agent traitant des 10 autres? Vraisemblablement. Et le 12e? Quelques jours après l'échange de Vienne, un employé de Microsoft, un jeune homme fraîchement arrivé de Russie, a été arrêté. Mais le FBI n'est pas parvenu à faire le lien avec les autres agents dormants. Il a donc été libéré et immédiatement expulsé. Et bien sûr, la multinationale a minimisé l'affaire et assuré qu'il n'y avait eu aucune fuite dangereuse de logiciels ou de données de clients. Et de l'autre côté, alors ? Il y a donc quatre hommes, quatre taupes, qui étaient depuis plusieurs années emprisonnés en Russie. Par conséquent, là, on a affaire à de vrais espions. Enfin, pour les autorités russes, il n'y avait aucun doute, même si, évidemment, il demeure de larges zones d'ombre dans leur parcours. Et je vais vous le démontrer. Le premier d'entre eux s'appelle Igor Soutiakin. C'était un chercheur en armement stratégique à l'Académie des sciences de Russie. Il a été arrêté en 1999. Pour quelle raison, alors ? Il a été accusé d'avoir transmis à une société britannique servant de couverture à la CIA des informations secrètes sur le système de défense nucléaire russe. Mais il a toujours plaidé non coupable en alléguant qu'il n'avait donné que des documents ouverts. Public, donc. Pourtant, il sera condamné à 15 ans de prison en régime sévère. Et en 2007, malgré une saisie de la Cour européenne des droits de l'homme, Poutine a refusé de le gracier. Et pour bénéficier de l'échange de l'été 2010, cet homme si attaché à son pays, qui ne voulait pas le quitter, a néanmoins dû, pour sortir de prison, signer un papier reconnaissant sa trahison. Ouais. Il y a donc un sérieux doute là, sur le fait que Soutiagin était une taupe. Hein. Et les autres alors ? Sergueï Skripal est un ancien colonel du GRU. Ça, c'est le service de renseignement de l'armée. Oui, il a aussi travaillé au ministère des Affaires étrangères. Et il avait déjà pris sa retraite quand, en 2004, il a été accusé d'avoir espionné pour le MI6 britannique dans les années 90. Selon le FSB, le FSB russe, il a reçu environ 100 000 dollars versés sur un compte en Espagne. A-t-il été jugé ? Oui, et il a été condamné en 2006 à 13 ans de prison. Mais sur quoi on reposait les accusations, quand même ? Skripal aurait révélé des informations essentielles sur les agents russes travaillant en Europe. Leurs lieux de réunion secrets, leurs adresses et leurs mots de passe. Et c'est pourquoi, même après avoir pris sa retraite, il continuait à fréquenter ses anciens collègues. Oui, allons bon. Autre taupe ? Alexei Zaporotsky, un ex-colonel du SVR. Et par conséquent, auparavant officier du KGB. Naturellement. Lui a quitté les services en 1997 et il s'est installé aux États-Unis. Mais curieusement, à Moscou, on fait des pieds et des mains pour le faire revenir au pays. Pourquoi il serait en possession d'informations importantes ? Ça me semble évident. À cause des fonctions qu'il a occupées. Il connaît surtout l'identité de quelques taupes russes qui n'ont toujours pas été démasquées. Et c'est sans doute la clé de l'affaire. N'est qu'en 2001, je vous le rappelle, que Robert Hansen sera arrêté. Et Hansen, une taupe hein, au sein du FBI. Qui a causé des dommages irréparables au contre-espionnage états-unien. Et vous pensez alors que ce Zaporozhsky aurait pu l'avoir trahi ? C'est très possible, même si j'ai une autre idée. Mais enfin, n'allons pas trop vite. D'accord, j'ai l'habitude. Est-ce que Moscou arrive à convaincre Zaporozhsky de repartir en Russie ? Oui, aussi étonnant que cela paraisse. En 2001, l'année donc où Hansen est démasqué. Ouais. Ça plaiderait plutôt pour l'innocence de ce type-là. Pourquoi, s'il était coupable, serait-il allé se jeter dans la gueule du loup ? Et vous avez raison, c'est tout à fait bizarre. Je ne sais pas comment les gens de Moscou ont réussi à le faire revenir. À moins, et il ne faut pas exclure cette hypothèse, qu'il ait été enlevé et ramené de force en Russie. Ouais, vous y croyez ? Pourquoi pas ? Souvenez-vous de la fameuse histoire de la malle aux espions. Enfin, quoi qu'il en soit, dès son retour, il est immédiatement enfermé. Et en 2003, il est condamné à 18 ans de prison pour avoir communiqué des informations secrètes aux services américains sur des taupes russes travaillant sous couverture aux États-Unis. Alors, comme Hansen. Et le quatrième ? C'est un certain Gennady Vassilenko, nom de code de Monolith pour les services secrets états-uniens. Un nom de code, il a donc collaboré, lui, avec les Américains. Certains le croient, mais enfin, encore une fois, rien n'est avéré. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, car c'est un dossier complexe, mais au minimum, il semble que cet ex-agent recruteur du KGB aux États-Unis a entretenu une relation amicale avec un homme de la CIA. Et bien sûr, ça a suffi pour en faire un coupable. Il est vrai que cette amitié entre deux agents appartenant à des services antagonistes pouvait paraître suspecte. Certes, mais le Russe n'a jamais pu être convaincu d'avoir trahi son pays. Et s'il a été condamné à 3 ans de prison en 2006, c'est pour possession illégale d'armes, préparation d'engins explosifs artisanaux et résistance à la police. Et pas pour espionnage. À l'évidence, il y avait autre chose. Car Vassilenko, qui aurait pu être libéré depuis 2009, croupissait toujours en prison lorsque l'échange de Vienne a eu lieu. Mais cette affaire me semble tellement déroutante et embrouillée que si j'obtiens des informations supplémentaires, elle fera l'objet de l'un de nos entretiens ultérieurs. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Bref retour en arrière à propos de l'un de ces Russes échangés sur l'aéroport de Vienne. Andrei Kosovoy, dans son ouvrage sur les services secrets russes écrit avant l'échange, semble lui aussi sceptique quant à la culpabilité de Soutkagin. Extrait. L'affaire est particulièrement contestable car Soutkagin ne pouvait logiquement révéler, de par sa position, que des informations connues du grand public. Si sa libération figure parmi les exigences du Conseil de l'Europe, qu'il considère désormais comme un prisonnier politique, la Russie ne l'entend pas de cette oreille. L'affaire Soutkagin a certainement été la motivation principale d'un groupe de députés de la Douma qui a proposé à la fin de 2008 de durcir le code pénal russe sur la haute trahison et l'espionnage. La proposition s'inscrit dans un contexte de raidissement général de la législation russe vis-à-vis de ses opposants. Avec ces nouvelles lois, n'importe quelle personne qui est entrée en contact avec un étranger pourrait être jugée pour espionnage. Les associations pour la défense des droits de l'homme sont naturellement très inquiètes de ce retour aux pratiques staliniennes. Faut-il donc penser que Soutkagin aurait pu n'être qu'un bouc émissaire pour ces néo-staliniens? Vous avez compris, je pense, que dans cette série d'affaires, on n'a fait que mentir de part et d'autre. Américains et Russes. Car ce truc de Vienne semble disproportionné étant donné l'importance respective des espions échangés. Mais vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Il y a d'abord cette révélation qui intervient en novembre 2010. À Moscou, on juge par contumace l'homme qui aurait dénoncé les 10 illégaux expulsés. Ah ben c'est qui celui-là? Un certain colonel Cherbakov, de son vrai nom Alexander Poteyev. Cet officier aurait été le chef du département américain du SVR. Et à ce titre, il aurait été en charge des 10 illégaux. Mais soit pour de l'argent, soit après avoir été victime d'un chantage, il aurait collaboré avec les services états-uniens. En 2009, il aurait refusé une promotion au sein du SVR, probablement pour échapper aux détecteurs de mensonges. Passage obligé vers les échelons supérieurs de la hiérarchie. Vous utilisez beaucoup le conditionnel, hein? Ben, vous allez comprendre pourquoi. Le 21 juin 2010, 3 jours seulement avant la visite de Medvedev à Washington, il fuit la Russie et s'y réfugie aux États-Unis. Et il aurait été jugé donc Par une cour militaire, oui, ouais. Donc dans le plus grand secret. Ce qui permet à certains observateurs de douter tout simplement de l'existence de ce Poteyev. Et pourquoi aurait-on inventé ce personnage? Tout simplement pour dédouaner le SVR. Un traître, c'est bien pratique. On peut tout lui mettre sur le dos. Et en même temps, on ne met pas en cause le service qu'il a trahi. Mais bien sûr, ça n'est qu'une hypothèse. Cependant, il faut la considérer à travers la compétition féroce que se livrent les deux services issus du KGB, c'est-à-dire le SVR et le FSB. Une rivalité qui n'est pas non plus étrangère à une autre compétition, celle qui oppose de plus en plus ouvertement Medvedev et Poutine. Ouais, et ça, dans la perspective de l'élection présidentielle de mars 2012. Bon, toutefois, avant d'essayer d'y voir un peu plus clair, il me faut vous parler de quelques morts mystérieuses qui se sont produites dans le milieu du renseignement russe et qui, à mon point de vue, sont certainement en relation avec les événements que nous évoquons aujourd'hui. Première mort suspecte, celle d'Evgeny Todorov. Cet ancien diplomate qui avait fait défection s'était réfugié au Canada. En avril 2010, il meurt électrocuté dans sa baignoire. Ça, c'est un mode opératoire qui a parfois été utilisé par les services secrets. Et ça doit vous rappeler l'étrange mort du neveu du colonel Yin, un des principaux protagonistes de l'affaire des frégates de Taïwan. Lui aussi a été retrouvé mort électrocuté dans sa baignoire. Et si je me souviens bien, c'était également au Canada. Alors, à moins de douter de la sécurité des équipements électriques du Canada, on peut se poser les questions. Ah, alors, comme s'il existait là-bas des tueurs spécialisés. Ah, pourquoi pas. Deuxième mort suspecte, celle du major général Yuri Ivanov, directeur adjoint du GRU. Son corps, déjà décomposé, a été retrouvé noyé au large de la Syrie en août 2010 par des pêcheurs turcs. Il passait des vacances incognito à Tartous, en Syrie, et il avait la réputation d'être un excellent nageur. Ouais. Suspicion encore, donc. Autre mort, celle du général Viktor Chevrizov, ancien chef du renseignement des forces intérieures russes. Lui se suicide le 4 octobre 2010 sur le palier de son immeuble en se tirant une balle dans la tête avec une arme reçue en cadeau pour ses états de service. D'après son entourage, il n'était pas du tout dépressif. Toutefois, je dois dire que ces deux dernières morts sont peut-être liées à la deuxième guerre de Tchétchénie. Pourquoi ? Chevrizov avait longtemps servi là-bas. Quant à Ivanov, il supervisait les assassinats de leaders tchétchènes à l'étranger. Enfin, ça fait quand même 3 morts suspectes de hauts responsables du renseignement russe pour la seule année 2010. Ah, mais il y en a une quatrième, celle de Sergueï Tretiakov, un ex-diplomate au sein de l'ONU. Et donc vraisemblablement proche du milieu du renseignement. Oui, la tradition soviétique perdure. Tretiakov a fait défection en 2000. Mais il travaillait pour les services états-uniens depuis 1995. Il aurait livré près de 5000 télégrammes top secret et plus de 100 rapports classifiés. Ah, une importante recrue. Sans nul doute. En janvier 2008, il a publié ses souvenirs. Un document plutôt explosif. Il y révélait que la fin de la guerre froide n'avait rien changé pour les services russes qui conservent les mêmes cibles et les mêmes méthodes. Il est mort le 13 juin 2010 d'une crise cardiaque. À moins qu'il ne se soit étouffé en mangeant un beefsteak. Et coïncidence ou pas, sa mort ne sera annoncée que le 9 juillet, jour même de l'échange d'espions à Vienne. Mmh. Attends, et ce nom-là, Tretiakov, ça me dit quelque chose. Ah, ça vous revient enfin. Rappelez-vous, l'affaire Robert Hansen, que nous avons évoquée plus haut. Plus que Zaporozhsky, qui volontairement ou pas a dû revenir à Moscou, c'est lui, Tretiakov, qui a donné Hansen aux Américains. Une sorte de cadeau en guise de remerciement pour l'asile politique que lui offraient les États-Unis. Et un vrai coup dur pour les Russes. Hein. Oui, Hansen était un gros morceau. Alors, si Tretiakov a été assassiné, pourrait-il s'agir d'une vengeance, 10 ans après sa défection ? Ah, il ne faut rien exclure. Tretiakov était un homme qui savait beaucoup de choses. Il avait, par exemple, été ambassadeur en Iran. Et il avait suivi de près les négociations entre Moscou et Téhéran à propos du nucléaire. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il aurait garder des informations par-devers lui ? Ah bah parfois, quand on quitte son pays pour l'étranger, bah il n'est pas inutile de garder quelques munitions. Mais Tretiakov était aussi certainement l'un des hommes les mieux placés pour aider à démasquer la taupe russe, qui, c'est ma conviction, a longtemps existé à la CIA. Ah ouais, l'agent qui a permis au traître Aldrich Ames de faire son trou à la CIA. Hein. Et donc un personnage qui appartenait au premier cercle des services de renseignement américains. Mmh, la grosse taupe, comme vous l'avez appelé. Et la protection d'un tel secret était capitale, même si cet homme doit aujourd'hui être à la retraite. Mmh. Mais revenons un peu en arrière, là. Avez-vous une explication à propos de ces morts mystérieuses ? Je vous répondrai seulement par cette citation de Poutine qui a déclaré en juillet dernier « Les traîtres finissent toujours mal », concluez vous-même. Faut donc que je me contente de cette réponse lapidaire. Alors, Qu'en est-il là de cette rivalité entre les deux services secrets qui ont succédé au KGB ? Le SVR pour le renseignement extérieur et le FSB pour l'intérieur. Première hypothèse, le SVR, discrédité par l'affaire des illégaux, aurait volontairement fait fuiter certaines informations sur les espions pour tenter de redorer son blason. D'où aussi cette campagne patriotique pour mettre ces espions en valeur. Songez qu'ils ont tous été décorés publiquement par Poutine en octobre dernier. Ouais, il fallait sauver la crédibilité du service. Eh oui, parce qu'en face, le FSB s'était employé à discréditer son rival du SVR en soulignant l'amateurisme de ses agents. Mais pourquoi ? Parce qu'au FSB, on voudrait que le SVR revienne dans le giron de la place Loubianka, comme au temps de l'URSS. Ouais. Avec l'objectif, au fond, de reconstituer le KGB. Ah ben, c'est à peu près ça, oui. Et certains vont plus loin. Potiev, l'homme qui a donné les illégaux, réagit à l'instigation du FSB. Tout cela pour obtenir le limogeage du patron du SVR, Fradkov, un poulain de Poutine. Alors, à l'initiative du clan Medvedev ? Certainement. On a même murmuré à Moscou que le successeur de Fradkov était déjà désigné. Ce serait le chef de cabinet de Medvedev, Narychkine. Autre information intéressante, en août 2010... Medvedev a fait passer une loi qui élargit les pouvoirs du FSB. Et pourtant, Medvedev essaie de se donner, au moins pour l'étranger, une image de libéral. Hein. Certes, mais dans l'inévitable confrontation qui ne manquera pas d'opposer le président et son premier ministre, tous les coups sont permis, surtout ceux qui sont donnés dans l'ombre. Je vous donne un exemple dont on a très peu parlé à l'Ouest, à l'exception peut-être de votre confrère de France Inter, Bernard Guetta. Au mois d'avril 2011, le site de Medvedev a subi des cyberattaques. Ouais. Initiées par Poutine ? C'est ce qu'on a immédiatement murmuré à Moscou. Mais vous savez bien qu'il est très difficile d'identifier les auteurs de ces attaques électroniques malveillantes. Donc, le doute subsiste. Et est-ce que toutes ces morts mystérieuses-là dont vous avez fait état pourraient aussi résulter de cette compétition entre les deux hommes forts de la Russie ? Franchement, je n'en sais rien. Mais quand deux services spéciaux commencent à se bagarrer, il y a forcément des dégâts collatéraux. En tout cas, et ce sera ma conclusion, il faut observer que le président et son premier ministre osent manifester publiquement leur désaccord sur quelques sujets de première importance. L'affaire Khodorkovsky ou encore la Libye. Et à mon avis, ça ne pourra qu'empirer. Pour terminer cette récente déclaration de Medvedev, personne ne connaît l'avenir, mais j'y pense. Je suis, en tant que président, contraint d'y penser. Aussi, je n'exclus pas de me présenter à un nouveau mandat. La décision sera prise dans un délai assez court. Et de critiquer au passage l'état de son pays. Ce qui était bon il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Le moment du changement est venu. Ça me paraît assez clair. À samedi prochain, nous commençons une série de rediffusions sur les grands espions, un coup de projecteur sur les réalités de l'espionnage contemporain. Bonnes vacances à tous sur franceinter.com. Comme d'habitude, vous pourrez podcaster cette émission et la réécouter tranquillement. Rebecca de Nantes, comme à l'habitude, a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou qui l'a réalisée et à Monsieur Djoub qui, toute l'année, y ajouter ses petites notes.